fait chaud, il a fait beau. Non, ça va, on a perdu les canicules la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Bord du lac. Je peux même pas emmener ma basse. Il faut que je trouve une basse acoustique. Tiens. Que je puisse m'entraîner en dehors. Et comme je sais plus jouer de la guitare, c'est foutu. Ah ouais? T'habites où, toi? Pourquoi la basse? Eh ben, quand j'ai commencé à venir sur Ninja, mais il y a 10 ans, je commençais la guitare. Et puis, j'ai pris des cours. J'ai même fait des concerts d'élèves et tout. Il nous a fait faire des concerts dans les bars. Et arrivé un moment, je stagnais, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à finir une chanson en entier. Tu cherches quoi dans ma chambre? Et puis, je sais pas, j'ai toujours aimé le son de la basse, et puis du coup, j'ai adopté la basse parce que ça me plaisait, quoi. Et j'aime bien ce son et puis je me sens plus à l'aise, on ne sait rien, en fait, je sais pas. Mais j'aime bien. Toulouse. Ah bah je vais y aller bientôt. Enfin bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt.